Fais pas le Rocky, on va te croquer doré café. J'dors chez ta fille, allez gars, j'cours quand même Mbappé toute ma vie sur le parking. Genre de l'ombre des trois tours, de cette Z avant tout. J'fume le shit et la peu, tire sur eux, on s'en fout. Tu crois qu'ils nous font peur? On avance vite à deux, on est mignon comme tout. Les grosses têtes dans le grinder, tu vas bosser pour nous. J'me lève, j'ai la pâteuse, mais j'dois récupérer des verres. Si j'le fais, c'est pour nous. Y'a du noir dans le gobelet, et mes chais, j'les vois chelous. Ils ont pas connu la dèche, ils ont pas connu la dèche. Mettent pas les pieds chez nous, non, demande au président. J'irai claquer toutes les liasses, avenue Dantin. Et puis si je t'aime bien moi, je te pousse pour rien. T'inquiète pas mon vieux, tu feras plus des temps en plein. J'emploie mon âme, je suis là que pour la gagne. Je crois que c'est vrai, c'est Gotham. J'ai vu se croiser les montagnes. J'ai trop perdu mon temps. Faire le mal c'était mon taf. Je suis comme le Joker, on sollicitait dans le sale. J'vends pas mon âme, je suis là que pour la gagne. Je crois que ce grand c'est Gotham. J'ai vu se croiser les montagnes. J'ai trop perdu mon temps. Faire le mal c'était mon taf. Je suis comme le Joker, on sollicitait dans le sale. Sale, noir, pour vouloir faux croire. Fumer le justicier, que de la drogue à chaque trottoir. Mon Gotham c'est Compton, faut pas que tu me dois 100 dollars. Je porte le sang de ma mère, mais je peux te saigner juste pour voir. Hey, ouais. La tour comme repère. Quand je vole, je m'échappe, quand je veux, je me chauffe. C'est des bouffons, ils me font les fous devant des chaînes. J'ai plus les chaînes, là, c'est une bande tout dure. Tant de tout dire à chaque heure que Dieu fait. J'ai fait le con hier, je le referai pas deux fois. Donne le respect ou parle-moi pas. Tu fais le con ou tu fais le taf? Ils font la fée, ils se battent moins bien que mes deux sœurs. J'pense encore à cette pute, j'suis sûr qu'elle m'a acheté un sort. J'ai besoin d'aucun d'eux, pour ma famille j'viens tout seul. On s'enterre pas tout seul, une douleur j'ai mes neveux. J'ai pas pris un kilo, mais mes poches elles ont grossi. Dans le rap y'a que des gadailles, quand j'les vois j'me fous de leur gueule. C'est des pointeurs comme Michael, j'sais pas ils vous font lequel. J'emploie mon âme, j'suis là que pour la gagne. J'crois que ce grand c'est Gotham, j'ai vu se croiser les montagnes. J'ai trop perdu mon temps, faire le mal c'était mon taf. J'suis comme le Joker, on sollicitait dans le sale. J'vends pas mon âme, j'suis là que pour la gagne. J'crois que ce grand c'est Gotham, j'ai vu se croiser les montagnes. J'ai trop perdu mon temps, faire le mal c'était mon taf. J'suis comme le Joker, on sollicitait dans le sale. Sale, noir, pour vouloir faut croire. Fumer le justicier, que de la drogue à chaque trottoir. Mon Gotham c'est Compton, faut pas que tu me dois 100 dollars. Je porte le sang de ma mère, mais j'peux te saigner juste pour voir. Ouais.